Les répercussions liées à l'insatisfaction sexuelle sont diverses et variées. Il y a notamment les troubles de l'humeur qui sont régulièrement à l'origine de conflits. Je citerai l'exemple à la fois pénible et récurrent d'accueil où la jeune femme rémunérée par le service public aboie dans le corps qu'elle est censée fournir des renseignements au sujet de l'une de ces nombreuses procédures ultra compliquées propres à la France. Je sais bien que la relation au travail dans ce pays est actuellement complexe et que j'ai peut-être posé une question qui pouvait sembler stupide. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de penser qu'au mieux, cette pauvre fille est une planquée qui n'aime pas son travail. Au pire, elle est sexuellement insatisfaite. À moins que ce soit le cumul des deux. VDM en perspective. Du coup, la pitié que je ressens à cet instant pour cette vile créature me permet de garder mon calme. Je regrette même, une fois que la houleuse conversation est enfin terminée, de ne pas avoir pensé à lui donner les coordonnées de mon blog. Assurément, la lecture de récits érotiques aurait pu lui permettre de remettre la main sur sa bonne humeur. Et qui sait, éventuellement récupérer son professionnalisme. Zut ! J'ai loupé ma bonne action du jour. C'était Eben Matisse, et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.